Oraison de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Grégory Kinlen. Introduction à la vie dévote par saint François de Sales. Oraison de saint François de Sales qui présente son ouvrage à Jésus-Christ. Doux Jésus, mon Seigneur, mon Sauveur et mon Dieu, me voici prosterné devant votre majesté pour vous présenter cet ouvrage et le consacrer à votre gloire. Animez-en toutes les paroles de votre sainte bénédiction, afin que les âmes pour l'édification desquelles je l'ai entrepris en puissent recevoir les saintes inspirations que je leur désire, et spécialement celle d'implorer efficacement sur moi votre immense miséricorde, de peur qu'en montrant aux autres le chemin de la dévotion en ce monde, je ne sois éprouvé et confondu éternellement en l'autre. Faites donc, ô mon Dieu, qu'à jamais je chante avec elle, pour le cantique éternel du triomphe de votre amour, cette parole que je prononce maintenant de tout mon cœur comme une marque de l'inviolable fidélité que je veux vous garder parmi les hasards de cette vie mortelle. Vive Jésus, vive Jésus. Oui, Seigneur Jésus, vivez et régnez en nos cœurs au siècle des siècles. Ainsi soit-il. Fin de l'oraison.